Un invité unique, une liste de 10 morceaux de musique, une heure pour en parler, c'est La Liste. Une émission de radio diffusée par Campus FM, présentée par Joe Kangourou, réalisée et mise en onde par Thomas Delafosse. Et la liste de ce soir est celle de... Kiko Ruiz en espagnol et Ruiz en français. La felicidad la tienes cerca de la mano, si no la llegas a encontrar la tenía como el oro en paño. Estaba tan bien escondida, le fueron pasando los años, tejiendo el tiempo de la vida y descubriendo desengaños. No necesito dinero. La playita del amor la construimos con los ceros, con un cemento de dolor y lágrimas de ojos que no vieron. Siempre buscamos alrededor y nunca vemos que en el medio iba resaltando el amor, sirena de los marineros. No necesito dinero, el amor es mi riqueza. Bonsoir Kiko Ruiz. Et bonsoir. C'est par accident finalement que vous avez commencé à jouer de la guitare, Kiko Ruiz. Vous avez 9 ans et pour vous aider à vous remettre d'une grave blessure à la main gauche qui risque de vous en faire perdre l'usage, votre père vous donne une guitare, vous apprend quelques accords et vous incite à aller travailler. Votre main y retrouvera sa dextérité et vous, une histoire d'amour qui perdure depuis. Carrément. Apprentissage en autodidacte, aidé néanmoins par papa et quelques amis paternels. Premier prix de guitare à la Casa de España à Toulouse en 77, vous avez alors 11 ans et puis très vite c'est la scène. Avec Bernardo Sandoval tout d'abord, avec lui vous vous plongez un peu plus dans le flamenco, la bande musicale de votre enfance. Vous dites que le flamenco est alors votre oxygène, au point que vous arrivez à convaincre vos parents de vous laisser aller vous installer en, Andalou- en, Andalou- Andalousie, chez la famille. Et là, vous faites une rencontre essentielle, une rencontre avec Manolo Sanlúcar, maître de la guitare flamenca, mort dernièrement, à l'été dernier. Manolo Sanlúcar, que l'on retrouve dans plusieurs enregistrements de Paco de Lucía, mais aussi dans quelques films que réalisera Carlos Saura, le réalisateur espagnol, quand il s'agira pour lui de parler de la musique andalouse. À ses côtés, vous allez parfaire votre technique instrumentale, mais aussi et sans doute surtout, vous immergez totalement dans cette musique, dans cette culture, vous initiez au monde de la danse gitane et rencontrez d'autres musiciens pour autant de découvertes stylistiques et humaines. En 1982, une fois rentré à Toulouse, vous renouez avec Bernardo Sandoval et ce sera la constitution du trio Sandoval-Rolando Ruiz qui fit les beaux soirs des petites salles et des bars toulousains dans les années 80. Vous avez 17 ans au début de ce trio. Et à cette époque, vous faites également les premières parties avec ce trio d'Igelin, de Jonas ou de Didier Locoud. En 1989, Kiko Ruiz, vous créez le groupe Faena Flamenca avec le chanteur José Montealegre et le joueur de guitare mais aussi de oud Salvador Paterna, tout en accompagnant le chanteur El Duquande et en commençant également à vous produire en solo. Vous jonglez alors entre la scène et les studios. On vous voit assurer la première partie de Camarón de la Isla aux arènes de Nîmes en 1992, enregistrée avec El Duquande, Bernardo Sandoval, Pepe Linares. Vous jouez également avec José Galván ou avec la famille Montoya. Vous accompagnez la danseuse Béatrice Romero ou Anna Yerno, une autre danseuse, dans un spectacle dont vous êtes l'auteur, le compositeur et le metteur en scène. En 1998, c'est la sortie de votre premier album, de votre premier album sous votre nom, Cuerda y Madera, un album qui devient vite un spectacle. Depuis, vous enchaînez les occasions de jouer et de composer pour le théâtre, pour l'image et bien sûr pour la scène. Collaboration avec Rono Garcia Fons, le contrebassiste. Dans un trio, vous retrouvez Pascal Rolando, percussion. Enregistrement avec le chanteur indien Ravi Prasad, avec la paire Laurent Guiton au tuba et Guillaume Lopez au sax, à la flûte et à la voix. En duo avec Bernardo Sandoval, que vous avez finalement retrouvé très souvent, un duo qui deviendra trio lorsque s'y rajoute un autre guitariste flamenco toulousain, Serge Lopez. Création du spectacle Garonal Kivir, qui vous a également beaucoup occupé. On vous voit aussi jouer avec Jean-Marc Padovani, les Canciones Populares de García Lorca. Vous jouez également avec Vincent Perani, avec le percussionniste iranien Kevian Chemirani, ou avec le Multaka Salam, la formation du percussionniste marocain Ali Alaoui. On vous voit également avec le chanteur syrien Abed Azrier, mais aussi avec le flûtiste Jean-Pierre Lafitte et la chanteuse Rosine Despeyres pour un répertoire de musique occitane. Et puis vous accompagnez Pierre Perret, Clémentine Célarier, Victoria Abril, Julia Migenes, et vous participez à des concerts classiques avec l'orchestre de chambre du Capitole, direction Alain Moglia, avec le Scottish Chamber Orchestra ou encore avec l'ensemble de basse Normandie. Sans oublier, bien sûr, l'enregistrement de quelques albums sous votre propre nom, dont le dernier, Ama la Vida, sorti il n'y a pas très longtemps, c'était à l'automne dernier, et dont nous venons d'écouter No Necesito Dinero. 45 ans de carrière qui vous auront vu confronter votre culture flamenca à d'autres esthétiques, le jazz, les musiques traditionnelles, le classique, la danse, sans y perdre votre âme. De tout cela, il sera sans doute question, ou pas, dans la liste de 10 morceaux que vous nous amenez ce soir. Deux, trois choses à rajouter ou on commence tout de suite par écouter cette liste? On peut écouter cette liste. C'est vrai que ça ne nous rajeunit pas tout ça, quand même. Non, ça ne nous rajeunit pas parce que que le temps passe vite. Voilà, le début de l'aventure, c'était la fin des années 70. Donc, effectivement, ça ne nous rajeunit pas. Allez, Kiko Ruiz, premier morceau de votre liste. Arbor, ay, ay, ay, ay. premier morceau de votre liste, Kiko Ruiz, et déjà vous levez les mains au ciel et en me faisant voir que ce morceau, à la première écoute, vous donne encore les poils, comme on dit familièrement, Camarón de la Isla avec Paco de Lucía. Ce morceau, Canastera, le premier de votre liste, c'est quoi? C'est votre entrée en flamenco? Alors, mes parents écoutaient du flamenco depuis ma plus tendre enfance, j'imagine même. Oui, et peut-être même avant. Dans le ventre de ma mère, je suis sûr, parce que ma mère chante aussi, mon père aussi jouait de la guitare, chantait, enfin bon, bref. Dans la famille, il y a quand même beaucoup de musique. Mais c'est vrai que le morceau dont je me souviens encore, j'ai encore le flash d'écouter, de rester dans la cuisine, j'avais un poste radio cassette, tu vois, et de m'arrêter devant le poste et d'écouter ça et de dire waouh, ah ouais, c'est quoi ça, tu vois. Écouter ça, alors que j'avais écouté des grands comme Caracol, La Niña Los Peines, Marchena, enfin je veux dire plein de Chocolate, plein de super artistes que j'écoute aujourd'hui et que je me dis, ouais, c'est des maîtres, tu vois, c'est des maîtres. Mais ça m'avait pas fait ce truc-là, tu vois, et Camarón et Paco, c'est la fusion magique, si tu veux, qui nous a impulsés, mais toutes les générations de guitaristes et de flamenco dont je fais partie. Tu vois, sinon, je pense que le flamenco aujourd'hui, ça aurait pas été la même chose. Quoi. En quoi ils sont si importants? Et on en reparlera peut-être un peu plus parce que Paco de Lucía, on va l'entendre souvent dans cette bien liste. Sûr. Mais parce qu'ils sont géniaux à tout point de vue, mais ils sont magiques. Je sais pas, ils véhiculent un truc magique qui est inexplicable. Tu sais, cette aura, ce truc-là qui fait que, je sais pas, c'est inexplicable. Si je le savais, j'essaierais d'être comme eux, quoi. Tu vois, mais non, il y a pas de, je sais pas. Ça ne s'explique pas. Quoi. Cette culture flamenca, vous dites qu'elle était très présente dans votre famille, ouais, avec cette musique que vous écoutiez tout le temps. Vous êtes d'une famille gitane? Alors, ma mère est gitane, mon père, non. Du coup, j'ai une, on va dire, double culture de ce côté-là, et double culture espagnole et française, donc quadruple culture. Camarón de la Isla, je le disais en début d'émission, c'est quelqu'un que vous adorez, mais vous avez ouvert pour lui sur scène, donc aux arènes de Nîmes en 92, le souvenir de ce chanteur exceptionnel. C'était un souvenir inoubliable, puisque j'avais gagné un premier prix dans un concours international à Nîmes, et on m'avait proposé de faire la première partie de Camarón. Et là, j'ai dit, waouh, ouais, maintenant c'est encore plus dur que le concours, parce que t'imagines, il faut jouer dans les arènes de Nîmes, ce qui était blindé. C'est, je crois, 7000 ou 8000, je ne sais plus. C'était blindé et tout le monde venait écouter Camarón. Et moi, il me dit d'ouvrir, si tu veux, le truc. Et il me dit, tu vas jouer deux ou trois morceaux. J'ai dit non. je vais essayer d'en jouer un bien, et, si je peux, et puis c'est tout, quoi. Et ok, alors, ok, tu fais comme tu veux. J'ai joué une bouleria, la bouleria que j'avais présentée au concours, qui était Cabalgando, qui est sur un de mes albums, sur mon premier album, Cuerda y Madera, d'ailleurs. Et c'était super, ça s'est super bien passé. Et la relation que vous avez pu avoir à ce moment-là avec Camarón? Avec Camarón, je ne l'ai pas vu parce qu'en fait, Camarón était déjà très malade et il est mort quelques mois après. Moi, j'ai joué en janvier et Camarón, il est mort en juillet ou quelque chose comme ça, je crois. Et donc, il était très, très, très atteint déjà au poumon de son cancer. Et donc, en fait, personne ne l'a vu. Il est arrivé dans les arènes en voiture, il est monté sur scène, il a chanté. Et c'est difficilement, d'ailleurs. Mais bon, c'était génial, quoi. Je veux dire, quoi qu'il arrive, même ouvrir la bouche, pour moi, ça suffisait, quoi. Donc, et puis, il est reparti et puis personne ne l'a revu après. Et on ne peut pas dire qu'au moment où vous jouez en première partie de Camarón à Nîmes, vous étiez un novice. Ça faisait quand même une grosse douzaine d'années que vous pratiquiez la scène. Au plus, c'était plus d'années, puisque c'était en 91. Ou 92. Donc, j'avais quand même un petit peu d'expérience, mais... Ouais. De toute façon, on n'est jamais, pour moi, on n'est jamais assez au point. Oui, et puis c'est toujours intimidant de jouer pour ses idoles. Ouais, ça, c'est clair, quoi. Thank you. Ruiz, Paco de Lucía. On y revient avec ce morceau, sans doute un de ses plus connus, un de ses plus populaires, ouais, en tout cas, ouais, Entre dos Aguas. Vous me disiez hors micro que c'était un morceau qui avait une histoire un peu particulière. Oui, parce qu'en fait, je l'ai su plus tard, ce morceau n'était pas prévu sur l'album, c'était un morceau, on va dire, pour meubler, entre parenthèses. Même si c'est loin d'être un meuble, c'est un chef-d'œuvre. Donc c'est une armoire normande. Oui. Ouais, c'est un truc de dingue parce que c'est le morceau qui l'a propulsé un peu sur le plan populaire, ouais, en fait, hein, grand public. Et c'est une des premières fois où on entendait une basse et un bongo sur une guitare flamenque, tu vois. Et la mélodie, quoi. Ah. Et ça, c'est ce qui fait aujourd'hui ce que je recherche toujours, quoi, en fait. Tu vois, c'est vrai que dans le flamenco, j'allais dire dans le flamenco populaire, mais au sens issu de la communauté gitane, les mélodies sont très heurtées, et sans doute à cause de cette voix qui est très gutturale, est très heurtée, qui est très cassée. Et lui en fait des mélodies qu'on peut siffler dans la rue, qu'on ne fait d'habitude pas avec le flamenco. Non, alors très très peu. Il y a quelques mélodies comme ça populaires dans le flamenco, qui sont très très courtes. Et qui sont peut-être issues des sarsuela. Non, pas forcément, non. Dans chaque style, il y a une soixantaine de styles dans le flamenco, c'est énorme. Mais tout ça pour dire que, en fait, Paco de Lucía, il a effectivement mis en valeur la mélodie. Dans le flamenco, dans chaque musique, il y a des centres d'intérêt différents. Et dans le flamenco, c'est vrai que l'esthétique ne fait pas partie des centres d'intérêt a priori. C'est plutôt l'énergie, les messages qui sont véhiculés, les états d'âme, quoi, tu vois. Et contrairement, par exemple, à la bossa, où l'esthétique est vachement importante, tu vois. Mais Paco de Lucía, il a apporté ça. Pas que, mais en tout cas, il fait partie des musiciens qui ont ouvert la porte à l'esthétique. Et ça n'arrête pas. Aujourd'hui, ça va encore plus loin avec le classique. Mais il y a beaucoup de gens qui ont participé à ça. Évidemment, Manuel de Falla, Albéniz, des gens du classique ont beaucoup participé à cette esthétique du flamenco. Non, et comment, vous avez, comment vous avez reçu ce flash de Paco de Lucía? Alors, avec vous, un apprentissage qui s'est fait sans doute sur du flamenco, j'allais dire, à l'ancienne. Alors, j'étais toujours partagé, parce que moi, j'ai toujours entendu deux sons de cloche. Il y en avait qui disaient, non, mais Paco de Lucía, c'est pas flamenco. Non, bon. Et puis d'autres qui disaient, non, mais Paco, c'est un génie, c'est le maître absolu. Donc, pour moi, ça a toujours été le maître absolu, de toute façon, et ça le restera jusqu'à ma mort, quoi. Et c'est clair que, de toute façon, quoi qu'il arrive, tout est intéressant. Il n'y a rien à jeter. Tout est bon à prendre, tout est bon à consommer, à vivre, quoi, tu vois. Donc, le reste, ce sont des histoires qui ne m'intéressent pas. Ce que je sais, c'est que j'ai encore le flash de quand j'ai écouté la première fois Entre dos Aguas. J'étais dans la voiture derrière mes parents devant qui conduisaient sur le bord du canal en direction des monuments aux morts. Et j'entends pour la première fois Entre dos Aguas et je dis « Waouh !» Ça, j'aimerais bien faire ça, quoi. Ça, c'est un chemin. Ça, j'aimerais bien faire ça, ouais. Et ouais, ça a fait ça. Entre le premier morceau de Camarón, non, et ce morceau-là, c'est ce qui a déterminé que je voulais être musicien, quoi. Et ça, vous le décidez, vous avez quoi, 11, 12 ouais, ans? Ouais, c'est ça, même pas. C'était tout début, c'est tout début. C'est quand j'ai commencé, en fait. Tu sais, moi j'entendais la guitare depuis que je suis né, mais quand je me suis réellement intéressé à la guitare, j'avais 8 ans. Donc après, effectivement, il y a eu des accidents de la main, tout ça, avec des opérations importantes, greffe de tendons au pouce, etc. Qu'est-ce qui vous est arrivé, vous? Je suis tombé dans une... en jouant à cache-cache, en fait, à Gaillac, dans une ferme. Je suis tombé dans une cave où il y avait plein de bouteilles cassées. Aïe. Et là, je me suis ouvert la main gauche complètement, et tous les tendons sectionnés. Et là, c'était deux opérations. Ça a duré presque 2 ans, cette histoire. Donc après, je suis rentré dans un centre de rééducation à Salis du Salat, où j'ai fait presque une année là-bas de rééducation. Et c'est surtout la guitare qui a sauvé ma main. C'est ce que je disais en début. Bon, j'ai pas récupéré une main comme l'autre, hein. Ça c'est sûr. Elle est moins musclée, etc. Mais tu sais, quand tu commences un instrument, en fait. Enfin, toutes les personnes qui commencent un instrument sont handicapées, tu vois. Donc, quand tu commences avec un handicap en plus, c'est pas grave. Je veux dire, ça fait partie du truc, quoi, tu vois. « En début d'émission, dans le portrait que j'ai essayé de tracer de vous, je parlais d'une raconte un peu essentielle pour vous lorsque vous décidez d'aller vous installer un petit peu en Andalousie et lorsque surtout vous décidez vos parents à vous laisser partir, parce que ça a dû sans doute être source de conflits à la maison avant que vous puissiez prendre le... Non ? Non, pas tellement, non. En fait, ça n'a pas été une source de conflit, ça a été une remise en question, ça c'est sûr, une prise de conscience. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien, parce que moi, je travaillais plutôt bien à l'école. Et je devais passer en seconde, et dans mon dossier, j'ai marqué vie active. Et je me suis fait convoquer avec mes parents, en disant, il y a une erreur, qu'est-ce qui se passe ? Enfin, les familles viennent ici pleurer parce qu'ils veulent que les enfants passent en seconde alors qu'ils n'ont pas le niveau. Et vous passez automatiquement en seconde avec un très très bon niveau, et vous voulez aller en vie active, mais c'est n'importe quoi. Allez au moins jusqu'au bac. J'ai dit, non, moi je veux faire de la guitare à 100%, parce que là, je fais tout à moitié, et pas bien. Et donc, je veux partir en Espagne pour progresser, pour me perfectionner dans le flamenco, vraiment, en tant que guitariste flamenco. Et c'est ce que j'ai fait. Mon père, il m'a dit, tu sais que maintenant, en fait, il va falloir que tu fasses de la guitare toute la journée. Enfin, je veux dire, c'est ton métier, c'est ton travail, quoi. Là, c'est plus une heure par-ci, une demi-heure par-là, parce qu'avant, c'était un peu ce que je faisais. Je bossais une petite heure par-ci, une heure par-là. Quand j'avais le temps, etc. Donc... J'ai dit oui, mais bien sûr, c'est ça que je veux faire. Et là, c'était tout. Je travaillais toute la journée à la maison. Et je suis parti donc effectivement à Séville, accompagner une danseuse. Et de là, j'ai rencontré Manolo Sanlúcar, avec qui j'ai pu faire un mois de stage. Et ça a été déterminant pour moi, parce qu'il m'a dit, bon, Kiko, c'est bien ce que tu fais là, mais c'est à l'envers tout, quoi. Tu vois, au niveau technique, il faut tout revoir vraiment, parce que sinon, tu vas droit au mur, quoi. Et comment vous le rencontrez ? Vous étiez parti de Toulouse pour aller faire ce stage à Séville ? Alors non, c'était organisé déjà. Déjà, je suis parti à Séville pour accompagner une chanteuse, parce que c'était son fils qui l'accompagnait et il partait à l'armée. Et donc, par le biais de connaissances, on m'a mis en contact avec cette chanteuse et je suis parti vivre là-bas à Séville un an. Pour l'accompagner. Donc j'ai joué dans plein des festivals, des théâtres, Lope de Vegas à Séville, c'est comme si c'était le Capitole ici à Toulouse, quoi, tu vois. Alors que moi j'avais à peine 16 ans. Ouais, moi je découvrais, tu vois. Et je réalisais pas. J'étais là, pour moi ça faisait partie des choses que, voilà, c'était ça. Et vous aviez décidé que c'était votre métier, ça commençait. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai appris beaucoup de choses, effectivement, parce que j'ai appris beaucoup de choses au niveau du métier. J'ai rencontré beaucoup d'artistes flamenco, Rancapino, plein de musiciens, plein de danseurs. Et donc, la rencontre avec Manolo Sanlúcar ? Alors, Manolo Sanlúcar, c'était organisé déjà avant, ici à Toulouse. C'était prévu qu'à la fin de cette fameuse année que je passais à Séville, je partais à Sanlúcar de Barrameda faire ce stage avec Manolo Sanlúcar qui durait un mois. Voilà. Et du coup, ça a été vraiment déterminant. Et vous le faites avec un autre jeune musicien. Exactement. Qui n'est pas n'importe qui. C'est là que j'ai rencontré Vicente Amigo, qui est de la même génération que moi. Donc, il avait 16 ans tous les deux. Qui lui va se faire un peu connaître dans le monde du flamenco en le mélangeant avec une esthétique un peu plus rock. Je dirais pas ça. Lui, il a une esthétique vraiment... Alors, lui, pour le coup, il a amené quelque chose dans l'esthétique, justement. Un son beaucoup plus modulé, un son beaucoup plus travaillé, beaucoup plus joli, encore le sens de la mélodie. Enfin, vraiment, c'est un mélange entre... vraiment, c'est un guitariste qui a apporté beaucoup, beaucoup, finalement, au flamenco. Et donc, pour reparler de ce stage et de Manolo Sanlúcar, il vous amène quoi ? Une fois qu'il vous a dit, c'est très bien ce que tu fais, mais tu l'as fait à l'envers, il vous remet à l'endroit ? Mais carrément. Il nous a montré tout un panel de techniques à retravailler pour me redresser, quoi. Je suis revenu en France et j'ai travaillé comme un dingue. Là, c'était plus de 12 heures par jour. Enfin, moi, je m'arrêtais que pour manger et dormir. Et pendant un an, je savais pratiquer. Je ne pouvais plus jouer, réellement. Parce que il fallait que je me refasse, quoi, tu vois. Il fallait que je remette tout en ordre, quoi. Et vous disiez tout à l'heure que le flamenco, c'est une culture assez particulière et qui comprend à peu près 80 styles. Il y en a une soixantaine après avec des sous-styles, si tu veux. Donc on peut aller vraiment très très loin. Et alors ça part, il y a un arbre généalogique qu'on peut retrouver sur internet, sur le flamenco, ça part de styles qui se chantent a cappella, qui sont très très anciens, des styles qui viennent des corps de métier, tu vois, comme les mineurs, les pêcheurs, le forgeron, etc. Il y a plein de styles. Après, ça a donné des styles un peu plus rythmés. par famille, tu vois, de fandango, les rythmes, des rythmes, si tu veux, à 4 temps ou à 8 ans et des rythmes à 12 temps. Et ensuite, des rythmes beaucoup plus légers, comme on peut constater avec la rumba, par exemple, en Entre Dos Aguas, qui est un style léger, qui est arrivé au moment des échanges avec l'Amérique latine, quoi, tu vois. Donc, et ça continue d'évoluer encore, hein, le flamenco. Et c'est quoi le flamenco ? C'est une musique qui cadence la vie quotidienne ? C'est une musique, c'est un cri ? C'est une musique de révolte ? Ben, c'est une musique de fête ? C'est tout ça. C'est tout ça. C'est pour ça qu'il y a une soixantaine de styles. C'est parce que chaque style est censé, représenter un état d'âme, tu vois. Et donc, c'est vrai que quand on, par exemple, dans les mariages gitans, on chante la Lorea, tu vois, et c'est une espèce de 12 temps de bouleria, mais un peu particulière. Mais par exemple, la bouleria, ça se joue pour faire la teuf, justement, pour faire des jams, pour se moquer l'un de l'autre, pour s'envoyer des vannes. La solea, la seguiria, c'est un blues, c'est pour raconter, c'est comme une thérapie, c'est pour faire sortir, c'est quand t'as perdu ton père, ta mère, un enfant, ou ton frère, tu chantes une seguiria, tu joues une seguiria, sinon moi, c'est pas la peine de jouer une seguiria, c'est pour faire quelque chose de flamenco, tu vois, de majestueux, quelque chose comme ça, tu vas faire une solea, tu vas jouer une solea. Le fandango, c'est la philosophie, c'est tout ce qui est philosophique, tu vois. Enfin, voilà, l'allégria, pareil, c'est le côté pétillant, la joie. Le tango aussi, c'est pour s'amuser. Et ça, c'est des styles que vous avez que vous avez été obligé, enfin oui, obligé d'appréhender pour compléter votre appréhension de cette musique. Bien sûr, parce que si tu veux, au départ, moi je savais pas quelle était ma direction à prendre. Moi, je vais apprendre le flamenco. Alors, si tu veux être musicienne flamenco, bon, il faut pouvoir accompagner le chant, il faut pouvoir accompagner la danse. Soliste, si tu veux, c'est un grade quand même au-dessus. Tu peux pas prétendre être soliste comme ça d'entrée, parce que faut en avoir les moyens, il faut avoir les bagages, etc. Donc d'abord, il faut apprendre le flamenco par les bases, quoi. D'accord. Et puis petit à petit, effectivement, si tu as cette fibre là de faire de la musique, être soliste ou jouer avec d'autres gens dans d'autres styles, etc., c'est ce que j'ai fait. Tu le fais petit à petit, c'est un chemin qui est long, quoi. En 82, lorsque vous revenez à Toulouse, après cette année d'homme passé à Séville, vous renouez avec Bernardo Sandoval, avec lequel vous aviez déjà joué avant de partir en Espagne. Okay. Vous renouez avec lui et vous montez, en fait, il monte avec vous, puisque cette formation, ça sera toujours Bernardo Sandoval, sous son nom. Il forme un trio avec vous et Pascal Rolando, une formation qui va un peu révolutionner l'approche du flamenco que l'on a à Toulouse à ce moment-là. C'est la première fois qu'on voit jouer le caron. Moi, la première fois que je vous ai vu tous les trois jouer sur scène, je me suis demandé qu'est-ce que c'était cette caisse en bois sur laquelle Pascal Rolando jouait, en me disant c'est génial. Et c'est après que j'ai appris l'histoire de Paco de Lucía qui reçoit cet instrument en Amérique latine et qui l'amène en Espagne. Mais c'est vrai que ce trio a vraiment été un moment important dans la musique à Toulouse. Bernardo, oui. Et dans la carrière de Bernardo, je pense, ça a été un point culminant, puisque ce n'était pas qu'à Toulouse. On est parti sur Paris, on a fait le Festival d'Avignon. Sur le Festival d'Avignon, on a rencontré Marianne Sergent, qui nous a pris sous son aile. Et on est parti sur Paris faire sa première partie au Palais des Glaces. Et de là, on a rencontré Higelin, on a rencontré Didier Lecoud. Ici, on vous a Michel vu en première partie de Michel Jonas. Exactement. Au Zénith à l'époque. Au Palais des Sports à l'époque. À Paris, à cette époque-là, on a joué dans les plus belles salles. À l'Olympia, le Cirque d'Hiver, le Déjazé, enfin, je veux dire, toutes les belles salles de Paris, on les a pratiquement toutes faites avec Sando et Pascal, avec ce trio. Donc c'est vraiment une très très belle époque, quoi. Et évidemment, à Toulouse, ce qui était super, c'est qu'il y avait, je sais pas, il y avait peut-être une trentaine de bars ou plus, peut-être que je suis court, quoi. Et vous les avez tous fait. Et on jouait dans tous les bars, on faisait la tournée des bars, c'était super parce qu'en fait, on gagnait pas beaucoup, mais comme on jouait tous les soirs, c'était génial. Et on rencontrait aussi tous les autres musiciens, tu sais, des autres cultures, les rockers, les latinos, les brésiliens, tout, voilà. Les jazzmen, tout ça, et c'est super parce qu'on apprenait tous les uns des autres, quoi. Et c'est vrai que ça a donné quand même une sonorité au flamenco fabriqué à Toulouse assez particulière. Je me souviens de Aurora, un des premiers albums de Sandoval paru au milieu des années 80, où on entend pour la première fois dans le flamenco ici un pianiste qui c'est Jean-Luc Amestoy peut-être, qui, non ? Voilà, c'est Jean-Luc Amestoy qui ne jouait pas de l'accordéon, mais qui joue du piano dans cet album. Et tout de suite, ça donne une autre profondeur à cette musique gitane. Oui. Mais Bernardo, il a apporté beaucoup dans cette démarche aussi. Voilà, je crois que il y a des artistes phares, non, comme Paco de Lucía, non, comme Manolo Sanlúcar ou comme Miles Davis, ou des musiciens comme ça hors pair qui sont des pasteurs, on va dire, non. Mais après, tous les autres musiciens ont fait partie de ceux qui alimentent cette démarche et ces idées qui fait qu'à un moment donné la musique, eh ben voilà, ça se transmet, ça se véhicule, et il y a des choses qui restent, des choses qui disparaissent, des choses qui restent, et c'est tout le monde est un petit peu responsable, coupable ou je veux dire méritant, quoi, non, d'avoir apporté ça, quoi. Et c'est vrai que le côté j'allais dire méritant de la scène flamenca toulousaine, c'est de s'ouvrir à ces styles là dont ces styles on avait la chance à Toulouse, et on a toujours la chance à Toulouse de les avoir, que ce soit de la musique sud-américaine, brésilienne, du rock, du jazz, elles sont sur place, mais le flamenco s'est ouvert à ça. Alors c'est une époque à ça, hein, parce qu'aujourd'hui il y a quand même une famille de flamenco à l'heure actuelle, une famille de flamenco qui s'ouvre pas tellement, et d'ailleurs moi je les croise pas tellement, tu vois, enfin moi qui suis quand même flamenco, ils font pas tellement attention à moi. Donc il y a un repli sur la tradition, c'est ça que vous voulez dire. Oui, mais ça c'est, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, peut-être que les gens ils ont peur de se perdre. Moi j'ai quand même des fois, une fois je me rappelle avoir dit à Renaud Garcia Fons, j'étais parti en tournée avec lui, j'ai dit écoute, je sais pas, ça me fait peur quand même de me perdre mes racines et ma culture, tu vois, et parce qu'eux jouaient du 5 temps, du 7 temps, du 11 temps, etc. Et je me dis, ouais, mais moi c'est déjà avec le 12 temps, j'ai déjà ce qu'il faut, quoi. De toute façon, la musique, c'est la musique. Et la vie, c'est un parcours, et le parcours, c'est le tien. Donc, quoi qu'il arrive, c'est toi qui dois faire ton parcours. Donc, tu verras bien. Et c'est ce que j'ai fait. Mais c'est vrai que ça peut faire flipper de se perdre. Parce que c'est pas évident, finalement, tu vois, de trouver son identité là-dedans et de faire ton chemin. Sinon, il faut être très prétentieux, quoi, de dire, moi, je veux faire ça, et c'est ça, et jusqu'au bout, je veux faire ça. Ou alors, c'est, je sais pas. Enfin, en tout cas, je l'imagine pas comme ça. Guitariste émérite Pat Metheny avec ce morceau qu'il jouait avec son groupe, le Pat Metheny Group, Have You Heard. Pourquoi ce saut-là dans le jazz teinté de pop, puisque Pat Metheny était là-dessus? Tu sais, moi je me suis toujours laissé porter par les coïncidences de la vie, et tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est pas par hasard, tu vois, ça arrive et tu prends ou tu prends pas. Et moi, quand j'ai découvert Pat Metheny, je me suis dit waouh, ça c'est top, quoi. Non seulement c'est beau, ça joue grave, mais c'est au service de la musique. Je retrouve encore le sens de la mélodie, si tu veux, tu vois. Et c'est peut-être pour ça que ça me correspond et que j'aime ça. L'intelligence aussi de la musique, tu vois, de la compo, tout ça. le son, tu vois, une personnalité, tout ça. Et ouais, Pat Metheny, c'est un grand, quoi. Comme vous dites que vous ouvrez à d'autres univers, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes capable de vous ouvrir autant à un chanteur syrien qu'à un chanteur indien ou qu'à de la musique occitane, répertoire que vous avez travaillé avec Abed Azrieh, chanteur syrien installé à Toulouse, avec Ravi Prasad, chanteur indien installé à Toulouse, ou avec Jean-Pierre Lafitte, flûtiste tendance occitane. C'est tout. Bien sûr, parce que au-delà de la curiosité, si tu veux, qui te pousse à découvrir d'autres cultures par le biais de gens qui sont à côté de toi, c'est aussi les rencontres humaines. Moi, ces personnes-là, c'est d'abord des personnes que j'ai rencontrées avec qui on a connecté, si tu veux, tu vois. Donc forcément, tu dis, attends, on connecte, on est musicien, toi tu viens de notre univers, moi je viens de cet univers. C'est sûr qu'on peut, on peut faire des choses, on peut jouer on va non seulement s'apporter des choses, mais découvrir, se faire plaisir et je crois qu'après, on pourra aussi le partager avec le public. Et puis, notre boulot, c'est aussi de gagner notre vie, si tu veux, tu vois, de trouver des nouvelles idées, de proposer des choses intéressantes au public. Et puis, si tu veux être musicien, il faut pouvoir gagner ta vie avec. Oui. Sinon, je veux dire, tu peux être musicien sans gagner ta vie, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est pas la même chose, tu vois, parce que sinon, tu peux pas le faire à 100%, quoi. Il y a une question d'engagement qui est pas le même. Qui est pas le même, oui. Moi, j'admire les gens qui sont aficionados, non, les amateurs, qui font ça vraiment pour le fun. C'est la plus belle partie, finalement, de la musique, aussi. Mais après, tu dois quand même faire un métier pour vivre, donc du coup, t'as plus la même énergie ni le même temps. Si tu veux vraiment faire ça à 100%, il faut vraiment s'immerger. Et donc, du coup, t'es obligé quand même de gagner ta vie. Mais sans... alors, moi, je veux pas jeter la pierre. C'est vrai qu'on fait ce qu'on peut, en général, non ? Il y en a des hauts, on a des bas. Mais il est vrai que si, en plus de pouvoir gagner ta vie, tu fais avec une musique qui te plaît, avec des gens avec qui ça le fait, avec qui tu connectes et tout, c'est génial. Après, la question dans ces métissages de diverses cultures musicales, c'est le dosage. On en a connu des mélanges de blues, de musique d'Europe centrale, des steppes orientales, et à la fin, on a un bougli-bouga complètement indigeste. Ces histoires de tu as raison. Oui, de proportions, elles sont quand même difficiles bien à voir. Tu as raison de parler proportions, parce que moi je considère que la musique, c'est comme la nourriture en fait, c'est comme de la cuisine. Et c'est vrai que c'est pas parce que tu vas mélanger ceci, ceci, ceci, cela, que ça va le faire, non. C'est parce que ça peut devenir vite dégueulasse, comme tu dis. Il faut déjà avoir des petites notions de base pour savoir quelles sont les couleurs qui se mélangent bien, ou les goûts, les aliments qui peuvent se mélanger bien, où il y a une alchimie, si tu veux, intéressante, aussi bien avec les temps de cuisson, aussi bien avec, tu vois, c'est vraiment de la cuisine. C'est de la cuisine, vraiment, quoi. Parce que c'est non seulement pour le plaisir, mais c'est aussi pour alimenter, non pas son corps, ses cellules, comme la nourriture, mais la musique, ça alimente l'âme, en fait, tu vois. Donc, c'est fait pour se faire plaisir, c'est convivial, c'est fait pour plein de choses, quoi. Mais... Et au-delà de ces histoires de savoir quels sont les thèmes de la culture musicale en face, quelles sont les choses indispensables pour qu'on puisse la reconnaître, au-delà de tout ça, c'est aussi une question d'affinité entre musiciens. À partir du moment où les affinités existent, on ne peut pas se planter. Alors, je pense qu'il y a une histoire d'affinité, puis il y a une histoire aussi de sensibilité, c'est-à-dire que de toi-même, tu dois déjà sentir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas, qu'est-ce qui est bon de faire, qu'est-ce qui n'est pas bon de faire. Mais il y a quand même, tu sais, les musiques, elles sont inventées par des gens qui pensent, mais surtout par des gens qui ressentent, tu vois. Et à un moment donné, il y a comme une espèce de loi universelle qui fait qu'à un moment donné, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, tu vois. Quel que soit le mélange que tu fais, quelle que soit la chose que tu apportes. Par exemple, tu vas dans un pays, dans une tribu de gens que tu ne connais pas. Toi, tu as ta culture, tu arrives, bon, tu ne peux pas à un moment donné savoir quelle est leur coutume, etc. Mais si tu arrives et que tu ouvres tous tes sens, et que tu observes et que tu t'intègres, tu peux très bien... Eux, ils savent que tu n'es pas de chez eux, donc ils t'acceptent. Mais en même temps, toi, tu fais attention de respecter, et tu n'arrives pas en disant « Ouais, moi, c'est comme ça, et puis ciao. » Non. Tu arrives et tu dis « Voilà, moi, j'ai envie d'apprendre comment vous faites, qu'est-ce que vous faites, et le ressentir, le vivre, tu vois, l'expérimenter, quoi. » Et lorsque, par exemple, vous travaillez avec Ravi Prasad, donc il y a un album Tandem qui est sorti de cette collaboration, et puis une foule de concerts. La musique indienne, c'est quelque chose dans lequel vous aviez déjà plongé ou vous l'avez découvert avec votre rencontre avec Ravi Prasad? Non, j'avais déjà écouté, si tu veux, tu sais, l'époque avec... Ravi Shankar. Oui, Ravi Shankar, John McLaughlin, tout ça. La musique indienne, c'est pareil, c'est un univers énorme. Shakti et compagnie. Shakti, exactement. C'est un univers énorme, avec un bagage énorme de styles, de rythmes, de choses. Un peu comme le flamenco. Et c'est vrai que ça demanderait une vie et plus pour faire le tour de la question. Donc en fait, c'est impossible de connaître vraiment à 100%. Mais si tu... Évidemment, moi je me suis intéressé parce que j'aime beaucoup le rythme, je suis très sensible au rythme. Et les gens qui venant du flamenco, on est un peu... pas formaté, mais on est concerné par le rythme, tu vois, beaucoup. Et donc, du coup, j'ai écouté ces musiques-là et je les ai appréciées, donc j'ai essayé de comprendre un peu quelque chose. Et quand j'ai rencontré Ravi, c'était l'occasion d'en apprendre un peu plus. Malgré le fait que Ravi, lui, il a développé un style personnel. C'est pas forcément la musique indienne qui se pratique. Le Shankarnatique tel qu'il a pu l'apprendre quand il était en Inde. C'est ça. Ouais. Donc du coup, voilà, nous, ce qu'on a fait, on a fait un mix, pas de flamenco, de musique indienne, mais on a fait un mix de Ravi et de Kiko. Ouais. Voilà. C'est-à-dire de mon univers avec le sien, quoi, voilà. Pour finir avec l'Inde, qu'en est-il de cette légende qui veut que le flamenco ce soit la musique qui serait l'héritière de transhumance de population indienne vers l'Europe et... Non. Alors, d'après ce que moi j'ai compris et ce que je sais, c'est-à-dire que la partie indienne dans le flamenco, c'est par rapport aux gitans, d'accord. C'est une tribu qui est partie du Rajasthan. Une partie a migré vers le nord, d'accord. Une autre partie vers le sud, sont retrouvées en Europe. Mais à chaque fois, si tu veux, les gitans, il y en a une partie qui est restée sédentaire et une autre partie qui a continué à bouger. Donc c'est pour ça que petit à petit, ils se sont retrouvés ici en Europe et ils ont pris la couleur du pays. Donc les gitans sont arrivés avec avec cette culture de chez eux, tu vois, indienne, et ils ont apporté ça dans le flamenco. Mais le flamenco, c'est pas que ça, parce qu'il y a eu, pendant 800 ans, il y a eu les Arabes aussi en Andalousie qui ont laissé un héritage énorme, tu vois. Héritage que l'on pouvait voir avec un des spectacles que vous avez monté, Garona Klivir. C'était l'objet de ce spectacle-là. Oui, carrément. Montrer la part. Voilà. Avec au violon, qui lui-même a des origines berbères. Donc, Et dont l'objet était de montrer les influences de l'Afrique du Nord dans le flamenco et l'inverse, ce qu'on appelle la musique arabo-andalouse. Exactement. Là, j'ai pu le constater un peu plus en travaillant avec Ali Alaoui, directement avec la musique arabo-andalouse. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs. Beaucoup de points communs. Même si chacun... Alors, comme ce sont des musiques traditionnelles, elles ont l'avantage de garder vraiment leur identité, tu vois, de pas se confondre, si tu veux, avec voilà, par exemple, avec ce que je fais moi, ou moi je m'ouvre, si tu veux, à toutes les cultures. Donc du coup, ça peut se confondre avec plein d'autres choses, mais quand tu gardes vraiment une identité avec une tradition, eh ben tu retrouves vraiment tu peux retracer, si tu veux, ce qui est l'histoire un petit peu, tu vois. Thank you. On reste toujours dans cet univers très mélodique avec ce morceau d'Eric Satie, une des gnosiennes qu'il a composé au début du 19e, du 20e siècle. Le classique, quelque chose que vous avez découvert, je suppose, un peu plus tard? Oui, carrément. Mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire un an de guitare classique avec Paul Ferré au Conservatoire de Toulouse. Mais le classique, ça m'a toujours intéressé. Mmh. C'est vrai que tu ne peux pas passer à côté du classique. Ce n'est pas possible. Et c'est vrai, Satie, pourquoi? Alors Satie, parce qu'en fait, Satie, c'est le fait d'épurer, tu vois. Enfin, ce morceau, par exemple, j'adore ce morceau parce que justement, il y a une essence épurée que j'aime et que j'ai envie de retrouver dans ce que je fais. Parce que je crois que la vie, c'est pas forcément toujours la performance, tu vois. Et rajouter des ingrédients dans la cuisine. Rajouter, exactement. Tu vois, quand tu vas faire un œuf au plat, tu peux le faire vraiment avec vraiment classe, quoi, tu vois. Et simplement avec un œuf, du sel et du poivre. Et du paprika. Ouais, si tu veux. Mais même sans rien, si tu veux, tu vois. Et le faire bien, que l'œuf ne soit pas éclaté, qu'il est nickel et il est bon, quoi. Mais évidemment, avec des bons ingrédients. Ah. Imagine que Satie joue sur un bon piano, avec de l'âme, et, tu vois. Et c'est magnifique, quoi. Et puis, il y a cette nostalgie, tu vois. Ce blues-là qu'il y a aussi dans le flamenco. Moi, ça me fait penser à un tiento flamenco, ce morceau. Parce que c'est pas un tempo régulier, ça bouge, quoi. Tu vois, il y a une élasticité dans le tempo et ce blues là qui est magnifique, qui te touche l'âme, quoi. Il y a cette élasticité, en même temps il y a ce côté bancal. Bien sûr, ouais. C'est ça. Tu dis ça va se casser la gueule. Et non, parce que ça fait partie. Le rythme véhicule aussi une émotion. Il y a pas que l'harmonie, si tu veux, tu vois, dans les mineurs, etc., ou dans les tensions harmoniques. Il y a aussi dans le rythme, il y a aussi un tas de... D'émotions qui passent. Ouais, de facteurs, un tas de choses, si tu veux, qui vont provoquer des états d'âme, quoi, tu vois. Même inconsciemment, la plupart du temps. Quand on est musicien, on l'analyse et on se dit, waouh, on comprend, si tu veux, le pourquoi il a fait ça, le compositeur, pourquoi et comment. Mais la plupart des communs mortels, et c'est d'ailleurs très très bien, parce que la musique, il faut aussi la consommer sans se poser des questions, il faut juste la ressentir, c'est très bien. Et bien en fait, on subit tous ces trucs-là, on subit toutes ces choses-là que le compositeur, il a voulu nous faire passer. Et on ne sait pas pourquoi on trouve ça magnifique, mais il y a une raison. Et c'est tout l'art de la composition. Exactement. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like Voilà qu'arrive au milieu de votre liste qui corrige un bon vieux Michael Jackson. Voilà. Histoire de nous faire comprendre que même si vos champs d'expérience vont sur plein de musiques du monde ou des musiques classiques, vous n'en restez pas moins un adolescent qui, à 18, 19, 20 ans, écoutez aussi... Bien sûr, Michael Jackson est incontournable, parce que ça, pour moi, c'est du swing pur, quoi. Mmh. C'est, ça swing, mais c'est la folie. Tu peux pas rester immobile sur un truc comme ça. C'est impossible. Et en plus de ça, tu te dis peut-être que je pourrais gagner au loto. peut-être le moment d'évoquer un peu votre adolescence qui corrige. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez arrêté l'école à la fin du collège, au moment de rentrer en seconde. Lorsque vous êtes au collège, comment est vu ce jeune collégien qui s'intéresse au flamenco et pas forcément à Michael Jackson? Ou alors est-ce que c'est aussi une façon, Michael Jackson, de vous rattacher aux copains? Mais comment vous êtes vu par les autres jeunes du collège? C'était très étrange, hein, parce qu'en fait je voyais qu'ils avaient une admiration pour ce que je faisais, parce que moi j'amenais la guitare à l'école, j'amenais en cours, je faisais même en fin d'année je jouais de la guitare, donc ils savaient tous que c'était mon travail, pas mon métier, mais que ça allait le devenir. Que ça allait le devenir, etc. Et que ce soit avec les profs, que ce soit avec les camarades d'école, etc. Je voyais bien qu'ils ne comprenaient pas ce que je fais. Et ça m'a frustré. Ils ne comprenaient pas. Ils me disaient, waouh, c'était vert, mais en même temps, ils ne comprenaient pas réellement le truc. Et ça, je me dis, c'était frustrant pour moi. Je me disais. Difficile à vivre. Un petit peu, parce qu'en fait, c'est comme tu parles une langue que tu n'as pas compris. Donc, ils voient bien que tu es à l'aise avec ta langue, que tu t'exprimes et tout, mais ils ne te comprennent pas. Ouais. Tu vois, donc, alors, quand ils me parlaient de Queen, de Dire Straits, de, je sais pas, tu vois, des Beatles, tout ça, moi, je ne connaissais pas du tout. Et je me disais, mais c'est quoi ça? Et alors, évidemment, de temps en temps, mais j'entendais les tubes qui passaient, ou les slows, tu vois, qu'on pouvait danser pour brancher, tu vois, les filles. Mais. En fait, petit à petit, j'ai commencé à m'y intéresser, mais c'était trop tard, j'étais déjà parti en Espagne. Cette culture-là de la pop, de la soul, c'est un univers que vous n'avez pas connu à l'époque? Pas tellement. Même pas le rock? Ouais, je connaissais parce que j'écoutais, tu sais, à l'époque, il y avait une chaîne de télé, c'était une seule chaîne de télé en noir et blanc. Et il y avait des émissions, Gilbert Carpentier, je ne sais pas si tu te rappelles. Tout à fait. Et donc, tu voyais la variété française, etc. Mais pas tellement les groupes de rock, etc. Ouais. Mais c'était plutôt dans les boîtes. Moi, en boîte, j'y allais pas. Ah, ouais. Tu vois, parce qu'en fait, j'étais soit dans les bars en train de jouer avec des gens qui avaient 10 ans de plus que moi, comme Sandoval. Exactement. Ouais. Et donc, ça me passait un peu à côté, N'empêche, il reste quand même Michael Jackson. Non, bien d'autres, il y en a bien d'autres. Parlez-nous un peu de cet adagio pour cordes, Kiko Ruiz, que vous avez inclus dans votre liste. Moi, je trouve ce morceau hyper flamenco, en fait, parce que dans sa profondeur d'âme et dans la tristesse, pour moi, c'est comme si j'écoutais une soleil, en fait. Et ça fait partie, effectivement, des morceaux classiques, mis à part. D'un point de vue musicien, si tu veux, j'écoute ça avec beaucoup de... Comment te dire d'attention pour essayer de comprendre et d'apprendre comment est-ce qu'on peut faire des beaux arrangements, tu vois, avec des violons, avec des cordes, quoi, sans que ça sonne trop, sans que ce soit trop. Mais d'un point de vue d'âme, je ressens ça, ça me touche, ça me va droit au cœur, quoi. Et donc, de toute façon, même ce qu'on a écouté tout à l'heure, Michael Jackson ou Pat Metheny, pour moi, tout ça, c'est flamenco. Même si c'est pop, on peut mettre ce qu'on veut, mais moi, je l'identifie à une énergie que je ressens, si tu veux, et qui est celle de ma culture, quoi. Cet adagio pour cordes, il est composé par qui? Barber. Barber. Deux, trois mots sur ce compositeur. Samuel Barber. C'est pas un compositeur que je connais très bien. Je sais pas trop... Mais c'est un grand Et ce morceau, comment vous le découvrez? Je pense que je l'ai découvert dans, soit dans un film ou... Ou je ne sais plus, en fait, je ne sais plus du tout. Et vous, en fait, l'univers du classique, c'est aussi un univers que vous avez fréquenté. Je le disais tout à l'heure, avez joué avec l'orchestre de chambre de Toulouse à l'époque où Alain Mouglia le dirigeait. On vous voit aussi dans certains enregistrements de l'orchestre de chambre d'Écosse avec l'orchestre de Basse-Normandie. Oui. C'est vrai que c'est des expériences que vous continuez à tenter, ça. Bien sûr, bien sûr. Elle vous apporte quoi, en plus de l'univers du flamenco dans lequel vous baignez depuis que vous êtes tout petit? Mais c'est toujours une grande leçon, tu sais, le classique. L'univers des classiques, là, par exemple, là, je joue avec, dans un nouveau projet avec Renaud Garcia-Fons, ça s'appelle Le souffle des cordes, et il y a le quatuor à cordes, qui est le quatuor à cordes de Radio France. Et on est quatre musiciens, donc Renaud, un Camanché, Deria Turcan, un Canoun, Serkan Alili et moi à la guitare. Donc on a un quatuor, si tu veux, de cordes traditionnelles et un quatuor classique. Quand on joue ensemble, c'est Renaud qui a écrit tout ça et les arrangements aussi. Tout ça pour dire que en même temps, c'est une autre culture, mais ça peut très bien aller ensemble si on veut vraiment faire en sorte que ça aille ensemble, à condition que ce soit bien écrit. Et ils ont une autre façon d'appréhender le rythme, ils ont une autre façon d'appréhender le son. Et c'est toujours avec beaucoup d'humilité qu'on apprend quoi, des choses de chez les classiques, parce que c'est une tradition qui remonte à loin, et puis avec des très grands maîtres et des grands génies, quoi, tu vois. Donc pour nous, les musiciens de musique traditionnelle, musique populaire, etc., on est toujours, on a toujours plein de choses à apprendre de chez eux. On part dans un autre univers, mais toujours avec la mélodie, toujours un peu avec le spleen qui compose cette musique, au moins ce morceau-là, Oblivion d'Astor Piazzolla. Le tango qui est un style flamenco, mais qui n'a rien à voir avec le tango argentin. Complètement, ça n'a rien à voir. Effectivement, ça s'appelle tango, mais ça n'a rien à voir. Si ce n'est peut-être le côté de la nostalgie. Et le côté aussi fier, non, aussi du flamenco, non, et qu'il peut y avoir aussi chez le tanguero. Mais Piazzolla, parce que c'est un grand maître aussi, encore une fois, la mélodie et la classe, quoi. La classe. Et puis je sais pas, il a une façon, si tu veux, dans son architecture, quoi, de musique, qui me correspond énormément. Enfin, je sais pas, que moi, dans lequel je m'identifie énormément. Moi, il y a plein de choses quand j'ai envie d'écrire des choses comme ça, quoi, tu vois. Des choses, je sais pas comment l'expliquer. C'est comme un modèle, en fait, pour moi. Dans votre chemin esthétique, le tango, il arrive comment dans votre parcours? Je me souviens plus très bien. Je sais que ça a toujours été, si tu veux, comme je te disais tout à l'heure, au fil, c'est le courant de l'eau, tu vois, qui t'amène des choses comme ça, et de la vie, du temps, quoi. Et toi, tu traverses, et soit tu t'arrêtes à les observer, soit tu passes et tu vois rien, tu vois, et tu passes au travers, quoi. Et j'imagine que je suis passé au travers de plein de choses, c'est sûr. Mais entre toutes ces choses-là, il y a certaines personnes qui ont retenu mon attention et qui m'ont touché, quoi, qui ont touché mon âme. Et du coup, ça c'est sûr que ça ressort dans ma musique, ça c'est clair. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre. C'est vrai, Kiko Ruiz, qu'au fil de votre liste, on aura retenu un certain nombre de mots et un certain nombre de passages obligés. La nostalgie en fait partie. C'est vraiment un des fils conducteurs de votre liste avec ce morceau de Salvador sur la fin de sa carrière, Jardin d'hiver. Ouais. Morceau, si je me souviens bien, Benjamin Biolay et Kerenan pour la composition. Ouais. C'est vrai que la nostalgie, c'est quelque chose qui a l'air de vous traverser. Oui, parce que cette nostalgie, elle fait partie intégrante du flamenco, tu vois. Y a la joie aussi, effectivement, mais en tout cas, moi, je trouve que la nostalgie, c'est beau, en fait. C'est, moi, je trouve ça magnifique. Mmh. Si on arrive évidemment à la gérer, encore une fois, une histoire de dosage, non ? Enfin, tu vois, de... La musique n'est jamais aussi jolie que lorsqu'elle est jouée en mineur. Non, c'est pas. C'est un peu comme les films, tu vois. C'est vrai que c'est plus difficile de faire une comédie que de faire un film dramatique, quoi. Un film dramatique, ça fonctionne toujours parce que je crois qu'en nous, dans l'être humain, il y a ce sentiment, si tu veux, qui fait que la vie, c'est un truc pas facile, en fait. C'est un truc pas. On fait en sorte que ce soit beau, que ce soit joyeux, tout ça, de rigoler et tout, c'est super et tout. Mais il y a quand même beaucoup de rendez-vous où, tu vois, quand une femme, elle accouche pas en rigolant, quoi, si tu veux, tu vois. Et l'enfant non plus, il sort pas en rigolant, tu vois. Et quand on part pas en rigolant. Donc, il y a évidemment à nous de faire en sorte que la vie, elle soit joyeuse, évidemment. Il y a tellement de beau. En même temps, c'est très beau. C'est ça que je veux dire. En même temps, c'est dur, c'est fort, c'est dans la douleur. Et en même temps, c'est magnifique. C'est une définition du flamenco que vous nous faites peut-être, là. Peut-être, je ne sais pas. Mais c'est vrai que moi, je ne peux pas différencier. Pour moi, le flamenco, ça fait partie intégrante de la vie. Et moi, j'ai envie de me sentir vraiment en vie, quoi, tu vois, dans cette histoire. Quoi. Henri Salvador, je l'ai choisi parce que, effectivement, moi, je me sens français. Je fais du flamenco. La flamenco, c'est une musique andalouse, espagnole. Mais j'ai voulu revenir vivre en France parce que je suis français, je sens français, et j'ai envie de faire en sorte que le flamenco, ça puisse exister aussi en France par des Français, même d'enfants immigrés espagnols. Et tout ça pour dire que j'ai beaucoup écouté beaucoup d'artistes et j'ai eu du mal à choisir des chanteurs de chansons françaises. Il y en a tellement des magnifiques, évidemment, si on prend Brel ou Brassens ou je sais pas Nougaro qui était un putain d'artiste toulousain, mais sacré artiste, quoi. Mais il y en a tellement, tu vois. Edith Piaf, évidemment. Mais Henri Salvador, c'est parce que justement, c'est la sensualité, c'est la simplicité, c'est la classe. Et c'est ça qui me plaît chez tous ces gens-là. On finit votre liste, Kiko Ruiz, comme on l'avait commencé, avec Paco de Lucía et la boucle est bouclée. Paco de Lucía, dont vous nous avez dit tout à l'heure tout ce que vous lui deviez et ce que lui doit le monde de la musique flamenca, et cette ouverture aussi qu'il a rendue possible. Et au-delà du flamenco, sur ces cultures. Et on aura compris avec votre liste, mais aussi avec le parcours que vous nous avez décrit, qu'il y a effectivement cette culture flamenca qui vous guide depuis 45 ans de musique, mais c'est aussi les musiques traditionnelles, d'où qu'elles viennent, autant indiennes que du Maghreb, que d'Europe centrale, que d'Amérique du Sud. Et c'est vrai que vous êtes sur ce versant-là des musiques. Complètement. Moi, toutes les musiques m'intéressent et j'ai envie de les prendre telles qu'elles sont. Et après, moi, j'ai envie de faire ma musique telle que moi je suis, sans tellement me poser de questions. Aujourd'hui, j'ai plus le temps de me poser des questions. Et j'ai envie de juste vibrer et de partager ça, si ça me plaît, le partager, si j'en ai les moyens, évidemment, de pouvoir le faire bien, de le partager avec le public. Et voilà. Ce dernier morceau de Paco de Lucía, c'est un chef-d'œuvre. C'est son dernier album avant de mourir. Il ne savait pas qu'il allait mourir, il a fait cet album. Et c'est un chef-d'œuvre de production, tellement c'est de la dentelle. Et là encore, pareil, lui, il a pris un thème qui est la canción flamenca, qui fait partie d'une des facettes du flamenco. Et il le fait encore avec une maestria, avec un duende, quoi. Ouais, voilà, avec un génie qui est mortel, quoi. Mais écoutez, c'est avec Paco de Lucía que l'on va se quitter, Kiko Ruiz. Si on veut retrouver un peu votre univers musical, je rappelle qu'il y a un album qui est sorti à l'automne dernier, Ama la Vida, Kiko Ruiz en quartet, avec un contrebassiste, Luis Navarro, une violoniste et un joueur Sabrina de... Sabrina Moshe et Juan Manuel Cortés à la percussion. À la percussion. Ouais. Et que mais il y a aussi Piranha, aussi, qui est le percussionniste de Paco de Lucía, là-dedans. Et on peut également entendre ce répertoire sur scène, ça se passera le 6 mai, dans une quinzaine de jours, salle polyvalente de Beaupuy, donc pas très loin de Toulouse. C'est une occasion d'aller écouter votre musique sur super scène. Merci. Merci beaucoup en tout cas, Kiko Ruiz, d'être merci venu dans merci cette à toi, émission. Merci à vous. Merci à Thomas Delafosse d'en avoir réalisé, d'en avoir assuré la réalisation ce soir, à Loïc Laporte d'en avoir composé le générique original, et puis à vous de nous avoir écouté. On se retrouve dans pas très longtemps pour une nouvelle liste. Salut les filles.